Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Quels sont mes rêves et mes passions? Je rêve de jouer du Shakespeare. Oh, d'être guide dans un musée. Moi, j'aimerais aider à sauver des vies. Voir le monde, le changer. Moi, c'est l'informatique, les chiffres, puis aussi la cuisine qui me passionne. Réalisez vos rêves. Vivez vos passions en donnant de votre temps à l'un des 700 organismes clients du Centre d'action bénévole de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le cabm.net. Bonsoir, en Machette ce soir, on parle de grosses en Oklahoma, de caves en Oklahoma et de météo dans l'hémisphère nord en général. Vous écoutez 70%. Trop, y'a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie ce n'est pas simple, mais heureusement, on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Check, check, check. Comme tu vois, elle a pas check, de bar, fait que je pense que ça va aller check, bien pour jouer. Check, check, check, check, check. 1, 2, 1, 2, check, check. On fait un test de son ici à 70%. On va être optimal. C'est important. Check. Check. Bruno, dis check. Check. Check. Check. Dis-le encore. Check. Check. 1, 2. Check. Check. C'est bon. Parfait. On est allé au festival écologique de Chambord, en fait, ce week-end. Et il est arrivé plusieurs aventures sur le chemin. Ça me fait plaisir de vous dire que je suis allé resserrer la main de mon idole, Roger Normandin. Et puis de le regarder dans les yeux comme ça, j'ai réalisé qu'au-delà du facultatif, il y a tout le temps la motivation. Et puis Roger Normandin, c'est le seul gars que je connais au monde qui a... Tu sais, on s'est tous déjà dit dans notre vie, on va s'en faire un long métrage, là, hein, ça coûte à rien, il faut juste... Mais il y a personne qui l'a fait, il y a juste Roger qui l'a fait. Il y a peut-être Steven Spielberg qui avait 9 ans, là, il paraît, la légende le dit, là. Mais 1h51 de la quatrième dimension... C'est pas tout le monde qui est capable de te faire ça comme ça. Roger Normandin, c'est un de mes idoles. Bonsoir, Simon Préjean. Bonsoir. T'as l'air tout calme et placide ce soir. Tu capotes, man! Tu vas manger une tabarnak tout à l'heure, ça, ouais. C'est ça, on a donné un coup de pied dans l'ours qui dormait. On a Yannick, Mégane, et puis... on le voit... Ah, il est là-bas, Frank, bien sûr. Ouais. Les trois, c'est en fait, c'est Cheesecake Ninja. On va essayer de comprendre là où le cheesecake rencontre le ninja, peut-être, là, voir comment ça se passe. Et puis sinon, ben on a surtout Jerry Jolie, le petit poulailler. Ben oui. Ah non, ben je l'ai ici, moi, là tu peux rester assis, là, on commence ça. Là. Avant ça, c'est vrai, il faut que je vous dise qu'il y a Israël et Evelyne aussi qui traînent dans le coin. Et puis que c'est l'excellent Rock'n'Roll Racing, non, Rock'n'Roll Nightmare. Aussi connu sous le nom de Edges of Hell, qui a gagné la bataille contre... C'est quel qui est une traduction française? En fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était plus vendeur Rock'n'Roll Nightmare, vu que c'est Thor, le Canadien musclé, qui était également plieur de bord en public et rocker de rock, dans le fond. Ah. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est Jerry Jolie, c'est l'hostie de poulailler. C'est bien sûr dédié aux trois... parfaite poule qu'il y a chez Vicky et Jeff Jabot. Vive l'avenir. écouter ça. C'est une leçon de courage. Il va mouiller dans le petit poulailler. Dans le petit poulailler, il va mouiller. Il va mouiller dans le petit poulailler. Dans le petit poulailler, il va mouiller. Il va mouiller dans le petit poulailler. Dans le petit poulailler, il va mouiller. Il va mouiller dans le petit poulailler. Dans le petit poulailler, il va mouiller. Hé, hey, les petits fées! Dans le petit poulailler, dans le petit poulailler, il va mouiller. Tous les auditeurs de 70%. Ici Chavara, la seule radio qu'on écoute, c'est Choc FM, l'émission 70%. Ici Stéphanie, à 70%. Ils m'ont forcé. La crème dégouline sur le baba au rhum. Mais moi, j'ai pas de cuillère. Hey, je vous ai amené en trame sonore de fond, c'est... Check ça, man, c'est Destiny, puis après ça, c'est The Crossover, non, c'est Confession, il y a une tune, c'est épique. Lucifer, sinon c'est la trame sonore de John Constantine. Ah, ok, oublie ça, j'ai rien dit. Mais le film est popé, il est juste popé. Ouais, genre plus 4? Ouais, genre 4,5, hein, 5, mettons. Ben, non, mais les BD sont bonnes, par exemple. Ouais, les c'est rare, ça. Ouais. La BD est bonne, puis le film, ça coche. Pas bon, ouais, c'est ça. Ça arrive pas souvent. C'est comme dans les jeux vidéo, ça. D'habitude, les adaptations sont tout le temps meilleures que le jeu au départ. Hey. Ben, voyons, les gars, ils ont fait un cartoon avec le cube Rubik, là. Hey, il y avait un personnage, puis tout. Je pense à ça, Predge, là. C'est parce qu'on peut pas aller en musique. En nouvelle Astère, on a créé comme une dépendance. Puis toi, tu dois l'avoir sur... On peut le faire avec nos bouches, ça pourrait être drôle. Ouais, non, Bruno, il fait signe canon, là. J'ai fait ça, moi? Ah, OK, c'est bon. Non. Là, tu vois, il essaie de prendre nos invités ici en otage. Fait qu'en attendant qu'on aille le thème... Tu peux faire une nouvelle. Je peux lire ma lettre. Non, c'est pas de même ça marche, Tommy Godette. Anti comme ça. On peut parler de notre fin de semaine? Ah, oui. En fin de semaine, on a eu bien du fun parce qu'on a fait un visionnement dans un festival écologique. Oui. Puis il y avait des toilettes de hippie, des trous dans la terre avec du caca dedans, puis il y avait des poubelles à compost, des ateliers de compost. Il y avait la pluie. La pluie. Un band de reggae qui a fait un soundcheck de 3 heures, puis qui nous ont dit des choses comme 3 mauvaises raisons pour écouter une toune. Voyons, attends un peu, on leur fait... Dans quel ordre qu'il l'a dit, Evelyne? C'était... Il a dit, la prochaine toune est assez relaxe, c'est un bon reggae, puis il y a un solo. On vous l'a fait. C'est les trois pires raisons pour moi pour lesquelles je voudrais pas écouter une tune. Au moins, ils ont les couilles de le dire. Ouais. Moi, ma préférée, c'est vraiment on a un message de la part de Manu Chao et Bob Marley. Et de Bob Marley. Reggae. C'est ça le message. En fait, il était sympathique aussi. Là. Ah, oui, tout à fait. Là. Il s'appelait Echo quoi? Echo Calypso, festival Nuit d'Afrique. Hein. Ouais, ils font le festival du Médafique. Je vous ai promis que j'irai pas les voir, mais je les ai félicités pour leur grosse gig de neg. C'est parce qu'il va avoir du bling, là, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, c'est ça. Des blés, comme une aimante appelée des plans de neg. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'architecte. Ça t'achèterait tout ça, un plan. Ouais, c'est vraiment de leitmotiv d'humour. Quelqu'un qui nous tape, tu sais, nous autres en rafale, là, une semaine après l'autre, là, pour rattraper son retard. Il peut voir tous les liens qu'on est en train de faire. Écoutez l'émission de la semaine dernière si vous nous trouvez racistes. Bon, c'est ça. En fait, ça a été testé, ça a été prouvé, c'est définitif. Le plus gros sandwich au monde, c'est bel. Elle est bien. Non, mais il va falloir le faire avec la bouche. OK, bon. On était brûlés. Et voici maintenant les actualités internationales avec Bruno Corbin. Alors, manger toute son assiette n'est pas une habitude que tout le monde a pris, surtout au restaurant. Une chef de Sydney essaie de remédier à cette situation dans son restaurant japonais. Yukako Ichikawa, 42 ans, donne un rabais de 30% à quiconque termine sa nourriture. Le menu stipule que le client doit tout manger sauf les tranches de citron, le gingembre et le wasabi. Les légumes et la salade ne sont pas de la décoration et font bel et bien partie du repas. Par le fait même, quiconque ne termine pas son assiette n'est plus le bienvenu dans son restaurant. Ce sont des mangeurs difficiles, je ne souhaite pas faire de la nourriture pour ce genre de personnes, a affirmé Ichikawa. Je trouve ça un resto contingenté, 30 places dedans. Moi je suis déjà allé dans un restaurant, j'avais pas fini mon assiette, puis la fille m'a dit que j'avais pas fini mon assiette, puis qu'il fallait que je finisse. Ouais, il faisait ça au réveil matin. T'as demandé si les patates étaient à volonté aussi. Non, j'avais juste plus faim. OK. Non, mais c'est des choses qui se passent, hein. La vie, c'est pas facile. Non, moi, je me suis déjà fait demander si les patates étaient encore à volonté, ouais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Hey, fait que... T'en as une autre? Oh oui, je peux t'en faire une autre tout de suite. Voilà. La différence de longueur de jupe vendue serait une bonne manière de faire des prévisions météorologiques selon une recherche de eBay. Les analystes de la compagnie affirment que la longueur des jupes vendues sur le site diminue plusieurs jours avant que la température augmente et avant même que des prévisions aient été faites sur les sites nationaux. L'effet contraire s'applique aussi lorsque le temps froid s'en vient. Ruth Siskowski de eBay a déclaré, nous appelons ça la météorologie de mini-jupe. Si vous voulez savoir quel temps il fera, regardez les ourlets. Il devrait donc y avoir du temps chaud cet été, je suppose. Aïe, c'est vraiment hot, ça. Ouais, hein? Wow. C'est juste un rapport de grandeur, fait que ça va tout le temps pouvoir être vérifiable. Wow. C'est comme la vraie météo, finalement. C'est comme il va pleuvoir, l'hiver va être long, les nids de guêpes sont hauts. Ouais. Ou l'hiver va être long, les vieux ont le moral bas. Fait que c'est à vous autres, les gars. On va parler avec les gars de Cheesecake Ninja, c'est Frank et puis Yannick. On va parler aussi avec la dame de Cheesecake Ninja, qui est Megan, qui est là-bas. Ouais, en fait, vous êtes tout le temps les bienvenus. Hein. Il y a comme des micros pour écouter le poulailler puis parler dans le dos ouais, ceux ça, qui vous sont avez là. Des écouteurs. Vous pouvez écouter l'émission pendant qu'on la fait, si vous voulez. Cool. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, il se cache. Help your Megan self. Hey, rendu là, c'est Cheesecake Ninja. Ouais. Je pose la question qu'une auditrice m'a demandé de vous poser tout de suite. Je vous demande à vous, est-ce que le Cheesecake a quelquefois des chicanes avec le Ninja? Est-ce que ça se bat avec des katanas? Est-ce que c'est des batailles musicales? Wow. En fait, ça se bat avec un peu tout, là. Dans un micro. Ouais. Ouais, moi, au départ, Frank est guitariste. Le projet est parti au début avec Yannick, qui est drummer. Moi, je suis censé être le Cheesecake et lui, le Ninja. Parce que moi, je suis... Bien discret. Là, il y a Megan qui s'est rajouté, qui... Hein? Oui, un, deux. Il est là, le micro. Voilà. Le micro, il est rond et brun. C'est que le ninja, il est assez sournois pour se faufiler dans son lit pendant que sa blonde adore sans la réveiller. Ouais, quand même, pas pire. Là, ça prend du talent pour faire ça. L'entraînement, je le sais. Puis ça vient dans le fond, cheese, puis cake, puis ninja. C'est peut-être Megan pourrait devenir le cheese, puis toi, tu deviens le cake. Ah, peut-être. Il faudrait que je lui donne un bout de moi-même. Là, pour faire c'est quoi le pouvoir spécial d'un cheesecake? Le pouvoir spécial, c'est d'être délicieux. D'être aimé par toutes les filles aussi. Mais ça passe date aussi, par exemple. Ah, ça passe date, ouais. pas dans le il n'y a pas que des avantages. Hein. On a joué toute l'heure de tout l'hiver dehors, fait que il est resté bien au frais là, dans le congélateur. Ah, c'est l'été qu'on a de la misère là, c'est ça au fait on est un vous avez joué band. Tout l'hiver dehors? Ouais. Je pense que c'est pour ça que tu as de la misère à tourner ta guitare. Ouais. Mais non, c'est pas vrai le chadiaise. Chris, tu mets-tu des gants pour jouer de la guitare? En fait, non, je mets pas de gants, j'ai eu les doigts fucking gercés, je peux utiliser le vocabulaire que je veux. Bah ouais. Il y a pas de CRPC. Ouais, c'est ça, disons que j'ai eu les doigts en sang comme à la fin des grosses séances de jam. Là. Chris? Hein? Est-ce que tu te mets de la vaseline sur les mains? Non, aucun produit, non. Essayera. Juste la pâte à dents, des fois, ça... La pâte à dents? Ouais. Ouais. Non, ça, c'est pour moi, là. Je sais pas lui. Tu te mets de la pâte à dents sur les doigts? Ben ouais, ça va. Même des cheveux, des fois, ça fait du bon. C'est bon, ça m'en va de la creste, hein? C'est-tu pour vrai, ça, l'affaire sur les doigts? Je pense pas. Non, hein? Ben, je sais pas, c'est un truc de ninja, c'est lui le ninja. Ouais, c'est ça, il cache peut-être quelque chose. Et puis, c'est quoi, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Depuis septembre passé, fait que ça va faire bientôt un an. Mais on joue environ, je dirais, 3-4 fois, même 5 fois par semaine. Donc, on a beaucoup de pratique. Semaines, là, 5 fois, c'est... On compose sa rue. Là, présentement, on était Saint-Denis-Maisonneuve pour un bout, sauf qu'on se fait chier par la police tout le temps, pratiquement tous les soirs, parce que c'est comme illégal d'avoir la percussion sur la rue. Donc, ben là, tu vas enterrer le bruit des alarmes de char. Ah, ben ça, Inoué, essaie de t'assiner avec un policier, man. C'est un concours d'orgueil. Hein. Avez-vous déjà eu une étiquette ou pas? Vous finissez tout le temps bien, ouais. Ouais, non, juste des avertissements, sauf que les avertissements sont assez formels, là. Fait que. Ben, la plupart du temps, tu sais, je veux dire, quand il y a des plaintes ou des trucs comme ça, des citoyens qui habitent autour, on comprend puis on s'en va. C'est juste qu'on peut pas faire autrement que s'assiner, genre, avec des policiers qui veulent juste nous faire bouger parce qu'ils respectent la réglementation, hein. On a eu des policiers qui on a demandé, t'as-tu une plainte? Puis ils nous disent, ben ouais, c'est moi qui ai fait la plainte. Fait que dans ce temps-là, c'est pas bien grand. Shit, ouais. Mais t'as assainant pas mal. C'est ça, je suis en train d'être exécutif et législatif pas mal ensemble, là, en faisant ça. Là, c'est servir et protéger, man, c'est ça, vraiment. Ah, et voilà. Se servir et se protéger. Ouais, c'est ça. Et puis là, ben c'est quoi, vous avez amené un disque avec du saxophone dessus? Ouais, c'est notre nouvelle recrue. C'est Megan. Hey, bonjour. Hey, tu peux te tasser un micro, hein, parce que là, il y en a un qui flotte dans les airs aussi, puis qui sert à rien. Je vais prendre celui qui sert à rien. Et voilà, puis tu peux même t'approcher. Comme ça, t'as pas besoin d'être tout penché par en avant. Bruno, il a l'air vraiment méchant, là, mais il l'est pas. Non. c'est ses yeux. Hein? Ouais, avec son chandail mauve, sérieux, il a pas l'air trop méchant. Là. Non, ben, le gars, tu vois. Peut-être qu'il l'est dans le fond. Ouais, le soir, c'est peut-être un soir. Ça, faut se méfier. Hey, c'est quoi votre inspiration première quand vous composez? Dites pas le reggae. Dites la rue. Non, on n'est pas bien reggae. Là. Tu veux qu'on dise la rue, mais on va faire ça pour toi, mon beau. C'est la rue. La rue. Ouais, l'école de la rue, là. C'est là que les choses pures arrivent. Puis avez-vous une anecdote d'un fan, des fois, là, qui vous regarde jouer, puis qui passe? On a un à m'emmener qui arrêtait pas de gueuler. Born in USA, pendant une demi-heure, à côté de nous, quelque chose. Pendant une demi-heure, sans arrêt, il respirait à peine. Ça, c'est beau, ça. Pendant toute la demi-heure au complet, born in USA. On commence, born in... Avez-vous déjà eu une chicane avec d'autres musiciens de rue, là, genre comme, hey, ça, c'est mon turf. Là, plus avec des quêteux. Ouais. Avec des quêteux, ouais. Ouais, il y en a un, entre autres, c'est Denis Maisonneuve qui nous faisait croire que ça faisait 7 ans que c'était son spot à lui. Puis qu'on essayait juste de faire comprendre qu'on faisait comme deux business différentes. Puis nous, Non, mais hey, c'est allé loin, là. C'est allé jusqu'à nous pitcher des cigarettes allumées dans notre caisse argent. Après ça, nous gueuler des insultes, de dire aux gens qui passaient qu'on méritait pas l'argent qu'ils nous donnaient. Ah, parce qu'ils en méritaient plus, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas le même produit que vous avez à offrir. Pourtant, il aurait dû comprendre que vous étiez pas ici. Que lui n'offre pas de produit. Ouais, c'est ben, sauf peut-être pas. La produit de la fermentation des bactéries qui vivent sur son corps. Est-ce que vous avez des... ouais, je me pogne une biologiste en virologie de ce temps-là, justement. Justement, bactéries qui prolifèrent sur le corps des sans-abri. Mais ouais, je voulais savoir aussi très pertinemment, est-ce que vous faites juste ça ou ben vous travaillez aussi en sideline? moi je fais juste ça. Juste ça, ouais. Non, c'est correct, c'est respectable. Moi, je fais la musique. Je suis étudiant à l'école. Maintenant, je fais une étude, mais ouais, je suis rencontré les deux dans la rue. Ok, ben tu fais juste l'école à part la musique. Ouais, je suis à Concordia en jazz. Ok, ah ben là, ouais. Ah, c'est cool, c'est facile. Mais elle aime le reggae, man, violon. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Le reggae, c'est vraiment bonne. Il y en a du bon, là. Hey, puis c'est quoi, je voulais savoir. J'avais une autre question super utile, moi. Elle est pas là. Bon, hein? Moi, je pense que tu leur demandais s'ils jouent à Magic, je parie. Ah, c'est ça. S'ils jouent à Magic. Est-ce que vous jouez à Magic The Gathering? C'est quoi, le jeu de cartes? Ouais, ouais. Non, Non. Ok, c'est pas grave, tu sais. Mais là, vous allez nous faire une super chanson. Ouais, on va faire une tune quand même. On va se setter direct comme dans la rue, là. Pas de soundcheck, t'as rien. Ben là. C'est le temps, on espère avoir de la monnaie, là. Je sais pas si. Habituel, on a le temps de jouer. Ouais, ouais, ouais, faudrait faire des effets de son de scène qui tombe dans le pot. Ouais, c'est ça, gilling, ouais, serait pas vrai. Sinon, vous pourriez faire aussi. Donnez généreusement. On pourrait faire les passants qui passent puis les polices qui vous engueulent. On va trouver un enregistrement d'alarme de char, quelque chose. Je vais faire le Born in USA. Ouais, c'est bon. Fait qu'on va écouter, c'est quoi le titre de votre pièce? Le titre de notre pièce, ça va être Hindu. Hindu? Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vocal dans notre projet, c'est juste des thèmes musicaux. Donc, c'est Hindu parce que ça sonne Hindu. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas ici de personne qui n'aime pas trop ça, les affaires instrumentales. Fait qu'on vous suit, là. Au moins, t'as pas besoin d'entendre de la mauvaise voix, fait que... Ah, et voilà. T'as pas besoin d'entendre, on a un message de la part de Manu Chao et de Bob Marley. Reggae, reggae, reggae. Bon, ça va peut-être sonner à la merde. Hey, Israël, t'avais-tu une joke, toi? Ouais. Ouais. Ouais. Ça dépend. Comment ça prend de hippie pour changer une ampoule? Ensemble, on peut tous changer quelque chose. Comment tu fais pour cacher de l'argent d'un hippie? Tu le mets en dessous d'une barre de savon. Oh! Nouveau genre, j'aime bien. C'est nouveau genre. Fait que c'est. Vous y allez quand vous voulez. Mais chante bon job, ça, bravo. C'est la première fois que je vois un xylophone utilisé de manière virile. Il y a juste des conserves en passant, des boîtes de conserves de café, puis une de... Quoi, c'est du blé d'Inde, ça? C'est sûrement des pois chiches. C'est des pois chiches, pour vrai. Ah, des pois chiches. Ouais. Ça veut dire... Israël connaît ses cannes. Israël, ah oui, moi, la sonorité des cannes, c'est toute une passion, c'est fascinant. Fait que là, la bande de Cheesecake Ninja, vous allez vous approcher pour être à l'aise. Ah ouais? Oui. Ça veut dire parce que là on va aller écouter quelque chose d'unique. On va aller écouter un clip que Simon Préjean, quelqu'un m'a envoyé cette semaine. C'est une dame qui va parler de la vie à Montréal. Qui va donner son opinion sur les choses. On a Simon-Pierre Bilodeau. Est-ce qu'on a un déversement incontrôlé de matière spéciale? Ben là, on va lui donner la chaise, c'est ça? Hey, hey, kids! Ah, sérieux? T'arrives juste à temps, Simon. On est en train d'écouter... Il manque juste la cravate. On va l'appeler quoi? Ça s'appelle Crise de folle sur YouTube. Moi, je pense qu'elle parle de son opinion. Hein? Eux autres, ils devraient ouvrir leur fenêtre puis prendre le café à leur fenêtre en haut. Jamais descendre d'un passage comme ça. Jamais. Parce qu'ils sont dans un endroit public. Ils dérangent la construction. Ils sont dans une route publique. En plus de ça, les conteneurs, puis ils devraient rester dans leur en haut. C'est ça les règlements. Si toutes les femmes des buildings, pour des raisons quelconques, de magasins, comme au coin, n'importe où, de garage, ils commencent tout à rester dehors. Pour prendre le café, m'a dit que chose, il va y avoir du monde sur la construction. Ils n'ont pas de droit. C'est ça l'énergie, monsieur. Parfait. C'est comme quand tu vas te promener en bateau. Je vais te dire une autre affaire. C'est comme quand tu vas te promener en bateau, à moteur, sur les lacs qu'on a purs du Québec. Après ça, ils se plaignent l'Hydro-Québec. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'électricité. Merci, monsieur. Vous avez compris ce que je veux dire? Exactement. Parfait. Vous savez ce que je veux dire? Il n'y a aucune drogue là-dedans, rien. Parfait. J'ai dit mon point de vue, puis point final. Parce que je ne prendrai pas le téléphone, moi. Je peux commencer à dire ça publiquement, comme à la télévision, il fait des pourparlers, puis tout ça, puis dire des commentaires. Fait que c'est des réflexions pour en venir aussi à toutes d'autres constructions partout ailleurs. Parfait. Comprends-tu? Oui. Si tout le monde vient se mettre à ça, pas content. Parfait, monsieur. Vous avez compris mon point de vue? Oui. Ils vont tous t'apporter des poux et des puces, tu riras plus. Ah non, certain. Ouais. C'est ça. Bonne journée. Merci, monsieur. Comprenez? Oui. Un et un, ça deux, ça fait trois. C'est ça. Un et un, ça fait deux. Ça fait pas trois. Mais parfois, ça peut faire quatre. Mais quelquefois, ça fait onze. ça dépend tout le temps. Hey, il y en a quatre volets. Tantôt, je vais écouter le deux, moi. Ah ouais, mon préféré. Oui. Puis c'est ça, c'est étagé parce que on voit ce qui se passe dehors du magasin, dans la porte ouverte. Puis à un moment donné, c'est l'hiver. À un moment donné, il n'y a plus de construction, comme là, parlait. Comment que ça n'a pas de bon sens d'aller prendre son café dehors dans Ruelle avec ses amis. Ben attends, j'ai un scoop. Moi, j'ai appris que cette dame-là. Là, du Québec. Attends, moi, j'ai un scoop. J'ai appris là, de source sûre que cette dame-là apporte des lunettes fumées la nuit. Puis une bouée de sauvetage quand il pleut. Qu'on se le tienne pour dire. Des grosses informations à 70%. Aïe, tu cherchais des potins tantôt, mon gars. La crise de folle de YouTube, supposément. De source sûre, peut-être. Peut-être. Aïe, je vais aller dans le film, dans le long métrage. C'est... pas fier de nous autres, là. C'est pas super bon. Ouais, c'est comme plate, là. Ouais. Le monde, ça va s'en aller. Ben, je sais pas. C'est d'habitude, Simon Chénier, il a vraiment le knack, là. On a plusieurs fois été surpris de par la sélection et de par les retombées. Et puis, ben, c'est pas moi qui a raison, c'est la foule. Fait qu'on va voir c'est quoi qui va se passer. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est l'excellent... son nom, c'est Thor. C'est un gars qui est né à Vancouver puis qui est devenu un lutteur fort musclé. Puis il a décidé à un moment donné d'écrire un long métrage. Et puis le long métrage, c'est devenu à un moment donné ce qu'on va écouter tantôt, c'est-à-dire Rock'n'Roll Nightmare, c'est version anglaise de Edge of Hell, qui est aussi... voyons, je cherche sur le bureau, il n'y a rien à faire, super plate. Non, j'ai même mis entendre parler de la bouée de chauffetage de tantôt. On va s'en aller, c'était à 9 minutes. La première discussion était approfondie entre les personnages. C'est passé le générique. On arrive au chalet. On m'a laissé le manager présenter la place à sa manière. Puis après ça, ben on va en reparler un petit peu. Ça va être quand même des merveilles de cinématographie moderne et de scénarisation et de films d'horreur dans un chalet sur le bord de la route. Là. C'est tourné en Ontario. Ça s'entend. C'est long. C'est l'Ontario. Okay, people. Here's your new home for the next 5 weeks. It's a goddamn farm! Hey, no one's lived here for 10 years? Relax! Would I pick a loser? Now, we have all the comforts of home here, and none of the hassles. Gas and electricity's been turned on for us, but there's no telephone and no TV. Aww. Besides, you guys never let me get to the butt! But, in yon barn-like structure, we have constructed a 24-track recording studio! Let me guess, do you record roosters in the morning? Nothing to break our concentration and plenty of rooms so everyone can get a little privacy. Hey, really, mate? What are we supposed to do here? Rehearse, lame brain. City softened your ears and your arms. In our last gig, he didn't even play the same song we were playing. So now that we're here to rehearse our new album. Oh, or lose our advance. Or lose our advance. We've got a month to come up with 10 minutes of new good material. And we're not going anywhere until we do. Friggin' great. But why Canada? Because Toronto's where it's happening, man. The music, the film industry, the arts. The only way to get you guys to rehearse is to lock you in a place where you have no distractions, nothing to ça do with play. Ça fait 23 ans. Back to nature, huh? No hot tubs, no dynasty. Oui, mais l'explosion culturelle de Toronto... It's kind of like a vacation. Un phénomène like... social à considérer. You would. Come on, you two, don't start. Rod, let's go find a clean room. Okay, listen. Dinner will be ready at 6. He'll have a quickie band meeting, and then we start our first rehearsal. So that gives us about 2 hours, okay, to get settled in. And by the way, I'm doing all the cooking. Great, just great. First of all, we have to take in our own baggage because you're too cheap to get us a roadie, and now we have to eat your cooking. Ouais, c'est vraiment long. Sticky baby, why couldn't you become a coke dealer or something sensible? Hey, Cole, come here. I just want you people to meet the man who made this all possible. Non, toi, je te garde pour tantôt. C'est parce que là, ils vont aller rencontrer le jardinier. Le jardinier qui est le personnage important du film. Ah ouais, film, est-ce qu'il va dire « Lot of things happen in that house. » C'est, ben, il va dire... Kids been killed in that house. I remember in the past they had Alice Cooper in the barn there to record. And some funky things happen. Sans doute. Je parle un petit peu de Rock'n'Roll Nightmare, Edge of Hell, avant d'aller plus loin. Thor. Quel homme Thor. Son vrai nom, c'est John Milk Thor. John Milk Mikkel. C'est ça. Mikkel. Mikkel. M-I-K-L. Mikkel. John Mikkel Thor. Il est né à Vancouver en 1955. Spécial, pareil, hein, il fait encore des albums. Il a sorti un nouvel album de musique en 2009. Je suis pas sûr que tu peux appeler ça de la musique. T'as dit en 55, ça y fait quasiment 60 ans. Ouais. Puis ça a été le premier Canadien à gagner et le titre de Monsieur Canada et le titre de Monsieur USA. Puis tu sais, ça paraît qu'il est bulk, là, avec sa belle touffe de cheveux blond crêpé, là, tu sais, là, de façon... en tout cas... Mais avant de laisser sa légende s'exposer d'elle-même, on va parler un petit peu du long métrage qu'il a écrit, parce que c'est lui qui l'a écrit. Mais forcément, il a l'air cool dedans. Ben oui, tu sais, puis c'est son band de métal qui repousse les forces de Beelzebub, qui est le méchant des méchants. Il joue le rôle principal. Ben oui, c'est lui le chanteur. Ok, fait qu'on on reste dans la thématique. Total Trap. Ouais. Puis en plus, la séquence finale de ce film-là, c'est presque un moins deux d'un coup. Mais en fait, ça vaut à peine d'écouter ce film-là juste pour la scène finale, je pense. C'est ça, c'est presque un moins deux d'un coup. J'irais pas jusque-là parce que moi, c'est j'irais pas... jusqu'à moins trois même. Là. Non, c'est magistralement mauvais, cette scène-là. Là. La ouais, fin là, de The Room aussi, là, donner moins deux d'un coup. Ah non, je préfère Rock'n'Roll Nightmare. Moi. Bon, ben voilà, c'est tout à leur côté. Là. On est tous dedans. Là. Ce qui est sûr, c'est que Thor va sauver l'humanité avec son band de rock metal de garage. La fin est spéciale. Hein? Là, on est à la chanson Résurrection. J'aime ça, hein, de Constantine, la trame sonore. On continue bien sûr sur Rock'n'Roll Nightmare, qui est un film d'horreur des années 80. Ce qui va dire qu'on va apprendre au travail des erreurs des personnages ce que l'on ne doit pas faire pour rester en vie. Et si vous savez ce que Wasp veut dire, ça va vous sauver du temps. Si vous le savez pas, ben, trouvez-vous de la culture. Wikipédia. Ouais. Rock'n'Roll Nightmare est également un film canadien. Ce qui explique pourquoi le monstre est autant terrifiant. En gros, ils sont isolés, jeunes et horny. On les sépare ensuite du groupe pour tester leur survivabilité waspienne. Les faibles meurent parce qu'ils bandent et les forts survivent parce qu'ils bandent pas. Le tout sur fond de trames sonores originales composées et interprétées par Thor et son band. Mais d'où viendra le doute, on se demande. De moins en moins, hein? Des séquences de meurtres perpétrées par des démons, évidemment, parce qu'il y a des démons dans le film. C'est pas toutes le même masque. Sont en pâte à modeler, par exemple. C'est ça. Mais ici, la plus minable des variantes est utilisée pour garder le groupe de héros isolés de la civilisation. On l'a entendu dire tantôt, on va passer 5 semaines sans téléphone ni TV. OK, c'est smooth, mais il y a une rue juste à côté. Fait qu'est-ce qui va faire que les gentils vont rester isolés? C'est parce que les méchants ont le pouvoir de prendre l'apparence des gentils. Hein? Ouais. Déception générale. Ça nous permet de garder tous les mêmes acteurs qui jouent chacun deux rôles différents, dont un magané, un gentil. Et puis, ben, on fait sortir toutes les meilleures manières d'eux autres de faire ressentir leurs émotions, bien sûr, par un jeu de lumière et de cadrage recherché et subtil. C'est pas vrai? Ouais, on s'en doute. Thor réussira-t-il donc à conserver votre intérêt durant la première heure du film pour nous traîner haletants jusqu'à une séquence finale de légende? Heureusement, l'ensemble ne dure qu'une heure et quart, avec 2-3 clips intégrés. Puis les clips sont douteux en viande. Puis sinon, on a quand même des clips de la madame qui a des opinions à passer. Je l'aime bien, bien gros. Hey, peut-être que Cheesecake Ninja pourrait nous présenter la chanson qu'on va faire jouer. Je vais peser play sur le CD que vous m'avez donné. Ah! Belle présentation, Monsieur Cheesecake. Merci. C'est pas mal ça. Fait qu'on se lance, c'est ça. C'est ça le titre de la toune. Ouais, ça dépend comment tu le prononces. Là. Ça dépend comment tu l'appelles aussi. Ouais, c'est ça. Il hein? commence par W puis d'autres juste par H. Ah. bon, on écoute. Ah! Ouais, à 70%. Et voilà. Mouillé. le tuyau a sauté en dessous des toilettes. Ah ouais? Le tuyau là, qui est pogné, le bol des toilettes, là, ouais. A sauté, ça fait paf! Il était plugué sur le nucléaire là-dessus? Oui, venez voir! Ah ouais, ben j'ai pas le temps, là. Mais comment ça que... Fait que là, tu vas voir de l'eau, là. Comment ça que ça a sauté? Je ne sais pas si on pognait les toilettes, le nucléaire en dessous. OK. Ça a sauté. Ben, ça. Vous avez-tu appelé le propriétaire? C'est l'appartement voisin. Ça vient d'arriver, puis là, il y a de l'eau partout. Faut que je la ramasse. OK. Fait que si t'es magasin, là, t'as de l'eau, là. Ouais, ouais, ouais. Faudrait pas, hein? Avertis le gars, puis viens voir, tu vas voir, puis on fait sauter le tuyau. Ah ouais? Au nucléaire, ça? C'est assez insulté. Ah, c'est toutes des cochonneries même. Tireur, le propriétaire. Ouais, il a le propriétaire. Ouais, hein? Le drame se poursuit. Moi, je verrais ça comme web télé. Là. Chaque semaine, une crise de folle, sa vie, en images, sur tout.tv. On a mis des caméras. Tu veux avancer le nom, Chris de folle? Ouais, si tu veux le trouver sur YouTube, c'est Chris de folle. Ah, ouais. Non, c'est facile à retenir. Chris, ça s'écrit comme tu penses, nom, là. C-R-I-S-S, là. C'est très, très, très international. Ouais, c'est moins pire que... Bruno? Oui, alors, ouais, on va y aller avec ça. Il y a un homme d'Oklahoma City qui a été arrêté après avoir placé un sac de potes dans le plateau à effet personnel de la sécurité du tribunal de la ville. Oh, Vaughn Ray est d'abord allé au point de sécurité mardi dernier et a mis ses possessions dans le plateau, incluant un sac de marijuana. Quand les huissiers ont essayé de l'arrêter, il s'est sauvé en courant. Mais le lendemain, l'homme est revenu, cette fois avec un chapeau en guise de déguisement. les huissiers l'ont reconnu, malheureusement pour lui, et l'ont menotté et emmené aux autorités. Jones a déjà plusieurs condamnations pour méfaits à son dossier, donc ça... Il voulait revenir chercher son pote. Ça va aller super bien. C'est ça. Ça va encore une fois attacher la marijuana. Exactement. Et toujours à Oklahoma City, Sander Wiz, 385 livres, souhaitait perdre du poids après un accouchement et est allé s'inscrire au Mademoiselle Fitness Center afin de pouvoir remettre des jeans. Lors de l'une de ses visites, un employé l'a approché afin de lui demander de débarquer d'un vélo stationnaire parce qu'elle était trop grosse. Tout le monde me regardait, j'étais très triste car je suis très émotionnel par rapport à mon poids, a affirmé Ruiz. S'ils ne voulaient pas que j'utilise les machines, ils auraient dû me le dire, je ne me serais pas inscrite. Elle ne veut pas avoir à payer les frais de cancellation. Le propriétaire du gym affirme qu'elle avait été informée et qu'elle ne pouvait pas utiliser certaines machines pour sa sécurité. Qu'un programme spécialisé d'aquaforme avait été préparé pour elle, mais oui, qu'elle ne voulait rien faire d'autre que d'utiliser les machines. Ruiz nuit ses affirmations. Les frais de cancellation ont été cancellés. Oh, pauvre petit. Ouais. Le bien a triomphé. Exactement. Du mal. Ouais. Hey, ben, ouais. Merci beaucoup, Bruno. On va s'en Je l'ai aimé, celle-là. C'est Circle of Hell, la trame sonore de ce que tu vas nous raconter là, mon Israël. Ok, je lis la lettre de secondaire ou le dossier tiède? Ben, c'est Circle of Hell. Ça pourrait être tiède. Ah, je vais aller avec le dossier tiède. Le titre de la nouvelle tiède. Je vous le lis comme un roman, là. T'es con. J'ai écrit un texte cette semaine. C'est personnel. Oh. La personne la plus facile à qui mentir, c'est toi. Let me take you back in 1999. J'étais encore puceau, j'avais 14 ans, j'en ai maintenant 25. J'ai économisé tout mon étiété de gardiennage pour m'acheter un PlayStation 1. Bien sûr, ma passion pour l'RPG était ma première cause d'avoir acheté un PlayStation 1. J'ai m'étais promis de finir tous les installements de la série Final Fantasy dans la mesure de mon possible. Dans la mesure de mon possible, bien sûr, dis-je mal. La sortie en septembre de Final Fantasy V m'a fait mouiller ma culotte telle une préadolescente de 2007 devant un clip de Teddy Geiger. Je l'avais pas loué pour être sûr de pas me gâcher mon punch. Pour être sûr de vivre mes premiers moments de cette nouvelle aventure à fond. J'ai été avare de sensations fortes. Voyons. Sur ma liste de cadeaux de cette année-là, je ne demandais qu'une seule chose. C'était bien sûr le dit, susmentionné Final Fantasy VIII. Les deux épisodes précédents de la série ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ils m'ont appris la patience, à parler anglais et surtout à rêver de choses pas possibles. Bruno et Israël viennent de se prendre par la main. Le 24 au soir, donc, après le déballage des cadeaux, une coupe de game de cartes avec les mononcles et ma tante, je peux s'embarrer dans ma chambre pour ce qui allait être un nouveau chapitre de ma vie. Celui où j'ai appris que toutes tes plus fidèles amis pouvaient quand même te décevoir. J'ai jamais terminé Final Fantasy V. Pour plusieurs raisons. J'ai commencé à fourrer. Puis Forcément. Puis là, j'ai arrêté trop longtemps pour bien me rappeler l'histoire. Fait que j'ai recommencé ma game au début. Puis je comprenais pas très bien le système du jeu parce que c'est super compliqué. Mais la raison générale, c'est parce que c'est vraiment un jeu plate. C'est vraiment pas bon. C'est super plate. C'est aussi vide que la personnalité d'une fille qui trippe sur un job de Québec. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai recommencé à plus d'une reprise, mais j'ai trop souvent arrêté pour refaire le tour. Puis plusieurs années sont défilées, puis Final Fantasy IX est sorti, ce qui est un excellent jeu. Pendant ce temps, mon FFV est devenu un ramasse-poussière. Puis j'ai jamais tenu la promesse, dans le fond, que je m'étais faite en 1999. Fait que la personne la plus facile à qui mentir, c'est toi-même. Surtout quand tu décides, c'est quoi la définition de la vérité? Oh, mais là, c'est profond. Aujourd'hui, je suis sur le chômage. J'ai prêté tous mes jeux de PlayStation 2 à Tommy Godette. Puis j'ai fini tous mes jeux le fun. J'ai regardé les vestiges de ma collection de jeux de PS1, les seuls que j'avais pas vendus étant ceux que j'avais pas terminés. Il me parlait dans ma tête, il me disait « Essaye, man, essaye-moi une dernière fois. Si tu finis, tu vas être fier. » Fait que j'ai dit « Fuck off ». J'ai cherché pendant une heure une vieille memory card de PlayStation 1, puis j'ai popé le monstrine. Et à partir de cette semaine, auditeur de 70%, invité de marde, je vais faire un playthrough personnel d'un jeu plate que je vais devoir investir plusieurs heures de ma triste vie dedans. Ça va s'appeler le journal de bord du Player 1. fait que là, tu vas nous faire Final Fantasy 8 d'en face pour plus te mentir et nous faire chier. Ouais! Oh. Je vous lirai le chapitre 1 la semaine prochaine. On est avec toi, mon gars. Yes. Moi, je sais que c'est pas facile. Là. Faut que tu voles des forces puis que... Puis que c'est plat. Moi, en fait, c'est drôle que tu parles de Final Fantasy parce que la chose la plus plate... Moi, ils m'ont burné avec le 7. Là. La chose la plus plate que j'ai faite de toute ma vie à des jeux vidéo, c'est de me faire un Golden Chocobo ou PlayStation 1 à Final Fantasy 7. Là. C'est au moins 20 heures de ma vie de crisser dans le feu. Là. Ah, puis je le faisais, j'étais en tabarnak après. Là. T'as pogné Knight of the Round? Je te jure, man. Je pouvais voir 10 fois d'affilée, 10 000 de dommages, puis le refaire. Pas pouvoir peser start pour être obligé de toutes les revoir arriver dans le même ordre, faire la même affaire. L'important, c'est l'imagination. Ouais, mais dans Final Fantasy VIII, il y a une très belle histoire d'amour, par exemple. Sacrement. T'es tellement romantique. Hey, on va être rendu au bout où on va aller écouter une toune de Steve Marcotte, pas Steve Marcotte. Oh, Steve Marcotte. Ben oui, Steve Marcotte. Steve Marcotte, ceux qui s'en rappellent. C'est celui qui a chanté l'excellente chanson Cédrica sur le dessus du disque qui est la photo de Cédrica. On l'a acheté une pièce dans un Dolorama et à l'intérieur du single Cédrica lâche pas, il y avait une affaire qui disait 1$ sera remis à la fondation Cédrica pour chaque album vendu. Mais l'album a été vendu 50 sous. Non, il a été vendu 1$, donc probablement que Jean Coutu a dû faire un profit de effectivement 60 cents. Le gagnant, c'est encore le gouvernement là-dedans. Toujours. On écoute, bien sûr, c'est tellement triste, c'est nos soldats. Ils sont là-bas. Revenez à la maison. On pense à eux. On les berce. Puis à Harper. À la voix de Steve. Puis il paraît que ça porte des chemises, hein, les soldats, je pense. Ouais, ça porte des chemises dans ton placard. Une chemise. Ça marche-tu, ça marche pas? Une chemise d'abord. Ça, c'est parce que c'est triste. On va laisser le volume seulement, je pense qu'on va s'arriver. Bon, à 70%. Partir des semaines, voire des mois durant. comme séparation, ne pas plus déchirante. Ils laissent derrière eux leur petite famille. Eux, c'est tout seul, sans s'assédir. Toujours la petite crainte de devenir inutile. De nos jours, les couples sont si fragiles. Yeah. Comme arme psychologique, l'adrénaline. Parcourant des déserts, des villes et des ruines. Comme arme physique, la carabine. Un peu d'angoisse, du stress et de la peur. Trois sentiments résumant l'horreur. Que chaque jour vivent nos pauvres soldats. Loin de nos cœurs, loin de nos morts. À tous les militaires de la terre. Reviennent sous le seuil pour leurs petites femmes et leurs beaux choux. Ce sera le plus difficile des deuils. On connaît tous un parent ou un ami qui gagne sa vie avec un fusil, qui à chaque jour risque sa vie pour défendre leur pays. From back. I repeat, the troop is okay. Bon, là, il est assez tard. Tu vas te coucher. C'est quoi ça? Mais là, on n'a pas non plus la chanson thème. On va la faire a cappella, là, qu'ils disent. Là. Alors, cela va comme suit. Ah, si, je vais le coller, mon poing, sa gueule! Quel dé de marde, tabarnak! Ils ont toute l'air d'une bande de mongols à parler tout seul dans la rue, toutes des crises de cyborg. Va-te leur plugger à langue sur le 220, moi, tu vois, ouais! Des téléphones, c'est sur le cellulaire, main libre! C'est bon! Ça fait leur, si, ils font leur frais, man, avec la petite lumière qui clignote sur l'oreille, ça se passe tout branché! Ils partent tout seuls comme des calices de schizophrènes, pis ils osent faire une face de fraîchier pensant qu'on les envie! Ta gueule! Si t'as l'air d'un cab, ils le savent-tu, si, check, ils te regardent, mais ils font comme si tu te voyais pas, là. Moi, là, je suis plus capable, man. C'est comme si, man, c'est comme si c'était nous autres, les attardés mentaux. Moi, je capote, c'est un puits sans fond. Y'a ben trop de monde à guillotiner, là, tabarnak. Anyway, j'enchaînerais bien, m'enchaîner à quoi? Je t'enchaînerais à mes calices de dettes, pis c'est pas mal tout. J'ai rien à préparer, tu sais, j'ai pas eu le temps de rien faire cette semaine parce que je travaille comme un hostie d'esclave, d'un chat de coton. Hostie, je dois à peine 300 pièces à Visa, pis pourtant ils m'appellent aux deux jours, pis j'en reçois une lettre aux trois jours pour me le rappeler, si, pis est-ce qu'ils me doivent du cash derrière, vous me devez de l'argent. Hostie, c'est dur à oublier, là, ce temps-là, hostie, le dernier qui m'a appelé, si, il savait même pas pourquoi il le faisait. D'un coup, qu'il a catché, hostie, qu'il avait rien à me dire, il s'est juste excusé, pis il a raccraché, tabarnak. Hostie, il arrivait, hostie, quand il appelle, je réponds hurlant, va chier, calice! J'ai même pas le temps de respirer, hostie. Je cours une poule, pas de tête, nourrir des hosties de bourgeois, pour ceux qui le savent pas. Je suis sous-chef cuisinier, moi, d'un lieu qui désirait garder l'anonymat, tu sais. Pis là, tout à l'heure, je pensais avoir le temps de préparer ma chronique. Juste avant de m'asseoir pour écrire, si je reçois un corps de mon chef cuisinier, il a besoin de laitue chicorée pour sa vichyssoise. Pis il veut que j'aille en chercher d'urgence. Hey, sacrament. J'embarque comme un hostie de pétonque sur un bixi de marde à trois vitesses pour faire le tour de Montréal. Pour sa calice de salade à marde. Mon cœur a pompé de l'acide à batterie, esti. Je pense que c'est ça que j'haïs le plus dans mon métier de cuisinier. On est tout le temps en train de me demander de la bouffe, si. Plein le cul de papoter de la mangeaille, si. Quoi qu'il en soit, j'ai rien préparé. Néanmoins, je déblatère comme ça, comme une pie, si, comme un connard, si, qu'un seul main libre. Pourquoi? Parce que je te tape sur les nerfs pis t'aimes ça. Si tu reviens tout le temps, si t'en veux, si tu sadomasochiste. Moi, là, s'il y a des affaires qui me tapent sur les nerfs, c'est les tabarnaks de potins de stars inutiles dont tout le monde se crisse. En v'là une coupe, si, qui cette semaine m'ont levé le cœur, ah, pas pour rire. Alors, ça va comme de la suie. Wananish Morissette s'est mariée en secret. Ça aurait dû rester secret, Chris. Ma préférée, Lindsay Lohan, la vedette qui est capable d'avaler le sperme de 100 hommes en une minute, jouera enfin un rôle à son image. Elle incarnera Linda Lovelace dans sa biographie cinématographique. Si vous l'ignorez, Linda Lovelace est devenue une célébrité grâce à son rôle principal dans le film Deep Throat, où Linda a un pouvoir spécial. Son clitoris est dans le fond de sa gorge. Alors elle fait des Deep Throat pour s'en sortir. Alors bientôt sur grand écran, Lindsay Lohan sucera des queues. La Porsche de Kanye West a planté dans le mur. Non! Je répète, la Porsche de Kanye West a planté dans le mur. Kanye West. Kanye, je sais pas. C'est un beau Come Kanye. Come on, là, il va te casser la gueule. Ben, de toute façon, regarde, on ignore l'état de Kanye, là. Mais on lui souhaite de ne pas s'en sortir. On a aussi Kristen Stewart, l'actrice que personne connaît, là. Si ça ne sonne pas de cloche, c'est normal. Ce serait une lesbienne selon une Australienne d'Australie. C'est parce qu'elle a couché avec, fait que c'est une lesbienne. Forcément, voilà. Ça ne le dit pas, mais tu sais. On les connaît. Hein. Alors, je sais que j'ai promis il y a trois semaines, mais en tout cas, il y a un bout, là, j'avais fait ma chronique de journaliste d'enquête, puis je vous dévoilerai les secrets des restaurants de fast-food. Je vais faire ça la semaine prochaine, je vous le jure, là, ça s'en vient, là, j'ai trouvé du temps pour faire ça. Esti, qu'est-ce que nous cache la bouffe de fast-food, la recette de la sauce Big Mac, le secret de la caramilk et une recette maison de Cheese Whiz. À voir la semaine prochaine, puis mange et t'as de la marde. Ah, merci, Predge. C'était pas mal touchant. Il y avait le bout, tu parlais des légumes, là, mais tu sais, quand tu nous fais des promesses, puis si on n'en réentend pas parler, c'est. Ouais, je fais exprès, Nassa, t'allumes, man, tu suis. Aïe, là, ça va nous amener tranquillement à. Peut-être, Israël, tu pourrais nous faire ta petite lettre, oui, puis après lettre. Ça, ça va nous préparer longtemps, pour Évelyne, lettre, qui hein? va nous parler de l'amour, elle aussi. C'est ça, sûrement. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas lu de lettre, mais je l'ai trouvé une assez succulente dans mon coffre à trésor. Alors, sur dessus, c'est écrit, est très spécial celle-là, de Virgile, mais c'est parce que la fille s'appelait Virginie. C'est écrit à mon Zaza préféré, ER, 100% personnel, LE. Ça commence bien, hein? J'aime ça, c'est 100% personnel. Fait que c'est. Private eyes only. C'est du 98-99, je pense. Ah, c'est une bonne année, ça. Ouais, c'est ça. Puis, à peu près en même temps que mon Final Fantasy VIII, dans le fond. C'est ça, ça n'est pas. Il a été écrit en rouge à double interligne sur deux pages. Ah, gaspille de papier. Puis elle s'arrête à peu près où est-ce que la marge commence, de l'autre bord de la page aussi, quand elle écrit, genre pour être sûr que tu sois pas tout mélangé, puis que tu passes pas un mot. Ben ouais. T'es... Ouais, mais en même temps, la mode de l'écologie, puis tout, là, c'est arrivé début 2000, ça. Je pense. Ouais, c'est vrai. Ah, puis c'était encore après à Rouen. Hein. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, ça commence comme suit. Bonjour Zaza. Comment vas-tu? Point d'interrogation. Moi, pas plus qu'il ne faut. Quoi de neuf? Point d'interrogation. Par chez nous, pas grand-chose, à part qu'il faut que je te dise quelque chose, virgule. Depuis quelque temps, je crois que j'aime un garçon. Oh! Il est tellement charmant, virgule, gentil et rigolo. Tu le connais bien, et je crois que c'est toi. Oh! Oh! Oh, ben, t'as pas vraiment dit je t'aime, mais passé par ailleurs. Attends, c'est pas fini. Prends des détours, là. Hein? Ouais. Ok, je ne sais pas si un jour je vais être capable de te le dire en parole, et non juste par écrit. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça fait environ 2 semaines qu'elle a le kick sous moi. Ah, elle s'en rappelle. Ouais, moi je l'ai pas vu. Ouais. Ouais, c'était vers 1h15, je pense. Ouais. T'avouer ceci a pris tout mon courage. Maintenant que j'ai réussi, c'est à ton tour de prendre ton courage à deux mains et de me dire ce que tu penses de moi. Pense à Terry Fox. Tu peux venir me voir à tout moment, je t'attendrai. Au revoir, Virginie XXX. Terry Fox, man. Je t'attendrai. Puis qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Ah, mais c'est ça, moi j'ai répondu que... Bon. Tu joues... Alors j'ai répondu quelque chose comme, tu sais, des fois... Je suis trop occupé à jouer à Final Fantasy. C'est juste, ouais, c'est ça. J'aimerais qu'on reste juste des... Ben, j'ai la lettre qui vient après, je me sais plus qu'est-ce que j'ai répondu dans le détail, mais j'ai la lettre qui vient après, puis elle dit, ouais, ok, je comprends que tu veux prendre ton temps, puis que l'amitié, puis l'amour, c'est deux choses, puis que... Oh shit, hein, t'avais déjà pogné le loup dans ce temps-là. Ouais, t'avais déjà commencé à briser des cœurs à l'époque, disons. C'est la curse du rockstar. Tout à l'heure, vous allez tous pouvoir rencontrer Fanny tout à l'heure. Elle viendra ce soir. Oh! Elle va venir. Ah, Don Juan, toi. Ouais, on a, en tout cas, non, mais elle travaille en microbiologie, machin. Ouais, biologie moléculaire. Ça, c'est... Elle montre des photos d'ADN qu'elle a coloriées. C'est les petits hippies, ça. De quoi? C'est ça. La microbiologie, c'est les tout petits hippies. Ouais, non, c'est ça. Gros comme un pouce, genre. C'est manger vert, mais voyons, au micro-millimètre, c'est ça. Hey, peut-être qu'avant d'aller... Ben, merci beaucoup, Israël. Oui, oui, tout à fait. C'est merci, tout Israël. C'est plaisant d'aller vivre c'est des Lilian aventures. C'est Lilian Chute qui voulait que j'en lise une autre, là. Il arrêtait pas de m'achaler sur Internet, fatiguant. Hey, Israël, Lilian Chute, là, qui nous demande des détails de notre vie sexuelle, là, sur Facebook, de même, là, tu sais, tu pourrais m'ajouter comme ami, là, au moins, avant de me demander avec qui je couche par personne interposée. Ouais. Lilian. Ouais, c'est une demande Facebook par la radio. Puis moi comment ça se fait que en onde. Comment ça se fait que moi il me demande pas des détails de ma vie sexuelle, Lilian Chute, c'est quoi, ça t'intéresse pas? Non, c'est pas, je donne déjà tout. Ah, OK, c'est ça. Je m'en charge, Bruno, sois tranquille. Les amis de Cheesecake Ninjas, parce que Lilian Chute, c'est une entité qui vient d'une autre galaxie qui supervise notre travaille ici à 70%. Il veut qu'on garde la bonne moyenne. Facebook. Puis c'est ça, il contacte au travers de Facebook. Comme Raël aussi, il paraît qu'il a rencontré les Elohim sur Facebook. Avant que Facebook existe, avec Facebook, c'est spécial. Ouais. Raël, un génie. Hey, c'est quoi qu'on va faire là? Il y a Evelyne qui a son gentil normal amour. Ah, ouais, mais tu on n'est pas obligé. Ah, oh, mais on veut. Ah, ben je peux lire le chapitre 1 de ma chronique si personne n'a rien à dire. Ben non, non, non, moi je parlais pour vrai, c'est normal. Puis là, après, il faut aller faire un autre tune de Cheesecake Ninja. Puis ouais. Bruno, il reste des nouvelles. Ouais. Ça serait le temps pour du normal amour, là, je pense. Là, direct là, là. Wow. Il est là. Attends un petit peu. Peut-être que je vais y trouver une tune qui pourrait être pertinente. Qu'est-ce que pour... vous dites de la page 70? Ah, ah, on pourrait demander à Cheesecake Ninja quelle page qu'ils veulent qu'on lise. Je pense qu'ils veulent qu'on lise la page 70. On a le choix. Il faut que ça soit entre 71 et 69 exclusivement. Juste 70. C'est pas mal entre 1 et 106, ça vous tente de choisir quelque chose, par exemple. 1 et 106? Ouais. On va garder notre 70. C'est bon, ça. Le premier choix, c'est toujours le meilleur. De la biographie de Normand Lamour. Marie. Là, je commence au début, Evelyne. Ce qui est le milieu de la phrase de la page d'avant. De toute façon, c'est pas vraiment important. C'est ça, je pense que c'est par chance. Mais non, en fait, c'est un début de phrase, mais tu sais, par chance. Ouais. C'est une phrase. Voilà, par P majuscule, chance, point. Point. Que la scène n'était pas trop longue. Il arrivait, par exemple, que deux jeunes filles, point d'exclamation. Deux jeunes filles! Jouant quelque chose. Alors, je devais répondre souvent. Elle bouffait de rire des fois. Je me demandais si je pouvais les contrôler pour qu'elles finissent à jouer leur rôle. Je pense qu'il parle d'une pièce de théâtre. Ce que j'avais en tête de leur faire jouer. Pour finir, je collais les films petit bout par petit bout et j'y ajoutais la musique de fond. À vrai dire, c'était un film vraiment parlant. Et puis, j'en ai fait un autre de 3 heures, avec 33 acteurs et actrices. On en apprend des belles. Oh, ça doit être bon. Wow. À peu près moitié-moitié. Ils étaient de 13 à 18 ans, à peu près. Je dirigeais les acteurs, et puis on avait un plaisir fou. Tout cela à cause qu'on ne le faisait pas pour de l'argent. Ce qu'on aimait faire, chacun et chacune de nous autres. Avec tout cela, il m'en a coûté quelques $1000. Le film de 3 heures a été démontré au Théâtre Eden à Sorel. Il y avait un petit concours de cinéastes amateurs. Je m'étais acheté un orgue que j'avais installé dans la cave. Hein? Je jouais un petit peu là-dessus. L'orgue avait des pédales que je devais jouer avec mes pieds. À cette époque, je composais, comme je vous disais précédemment. Et puis un jour, j'avais joué presque mon morceau que j'avais composé. J'étais fier. J'étais content de moi-même. Je me disais, ce n'est pas possible. Alors, ma sœur, qui était devenue aveugle, recevait chez nous une personne aveugle qui était née sans yeux, celle-là. Elle était joyeuse et elle chantait ici et là. Alors, elle riait, elle disait qu'on l'avait oubliée. Elle disait qu'on l'avait oubliée de lui mettre des yeux dans les orbites. Alors, je la fis descendre dans la cave avec la personne qui l'accompagnait. Et puis ma sœur descendit aussi dans la cave. Je venais de lui dire que j'avais composé un morceau et que j'aurais aimé qu'elle l'entende. Elle était contente et elle voulait à tout prix l'écouter. Alors je me suis assis sur le banc de l'orgue et j'ai sorti la feuille de musique que j'avais griffonnée et je me suis mise à me regarder le pied qui cherchait la bonne pédale. Je ne voulais pas fausser. À ma grande surprise, je me suis aperçue que je ne pouvais pas jouer aussi bien que la veille. Quand j'avais joué seule, alors je me suis aperçue que je devais lâcher. Alors je me suis aperçue que je devais lâcher parce que jouer parfaitement était trop difficile pour moi. Avec tout cela, je vendais mon orgue à moitié prix. Je me disais, tu aurais l'air fin, arrivé quelque part, et puis il t'arriverait une chose pareille. Oh non. Et puis j'ai essayé de m'accompagner avec une guitare. Sur la guitare, j'avais assez mal au bout des doigts, surtout sur les cordes plus fines. C'était pareil comme si la corde voulait me passer au travers le doigt. Oh. Je suis du tempérament nerveux sanguin. Yeah. J'ai les nerfs à fleur de peau. Le tempérament nerveux sanguin. Sacré nom d'une pipe. À vrai dire, si vous aimez mieux, je suis hypersensible. Oh. Il vient de le dire. La petite aveugle. Il l'a dit. Oui. Il l'a dit. C'est à la page 70 qu'il dit. Ouais. Mm-hmm. Ouais. La petite aveugle aidait ma sœur à accepter son nouvel état d'aveugle. On aurait dit que j'aurais voulu trop bien faire. Je ne pouvais pas jouer. Avez-vous vu une affaire de même? Je manquais sur les notes. C'était plutôt effrayant. C'est fini ce temps-là, hein? Il manque plus sur les notes normalement. Mais... Ça fait que je me suis dit, tu es meilleur quand tu es tout seul. Avec mettez Jésus. Ça dans votre pipe. Avec voilà, Jésus. Page 70, à un mot près. Hey, merci, Evelyne, pas de vin foutier. Fabuleux. Merci, Normand. Je suis pas mal assis. Merci, Normand. Merci, Normand. Oui, je pense que ce serait peut-être d'aller le voir à Sorel, voir s'il y a encore des petites copies de ces films-là. Là. Hey, 33 acteurs fabuleux. Et actrices, à peu près moitié-moitié. 3 heures de temps de film. Hey, faut trouver de Normand Lamour, joué par lui, avec 33 acteurs et actrices. De 13 à 18 moitié-moitié, ans. Moitié-moitié. De 13 à 18 ans, à peu près. Hey, dirigé par lui. Hey, Yannick, On va mettre un gars là-dessus. Yannick, toi, mettons là, que t'es dans Cheesecake Ninja puis que vous jouez dehors dans la rue, là, comment tu fais avec ton ampli? C'est quoi? Vous avez une génératrice ou tu fais du pédalo? C'est l'autre, par exemple. Ouais, Francis, ouais, en fait, mon ampli, c'est une petite ampli 2 watts qui marche avec 6 batteries 2A. Ah oui, donc, ça crache pas bien, mais juste assez pour accoter le drum. Là. OK, merci. Puis, toi, Megan, est-ce que ça a été contingenté beaucoup avant de rentrer à l'université en saxophone? Jazz! Quoi? Tu des mots compliqués. Mais oui! Je pense encore à Normand Lamour. Non, mais c'est parce que... Est-ce que c'est... Is it hard to get... in the music program faculté. In Concordia. Ah, okay. Ça dépend. Ouais, j'ai travaillé vraiment, vraiment fort pour quelques mois pour préparer une audition, mais ça, c'est quelques années passées. Et ouais, c'est un défi. Et il y a un test de théorie musique, il y a beaucoup de choses. J'ai dû préparer trois chansons pour jouer devant deux personnes, et c'est vraiment personnel. C'est comme si toute seule. Ouais. J'avoue que s'ils te prennent pas après, ça peut faire mal. Ah, t'as une belle voix hein, dans le studio. Ah, ben, wow. Merci. Ah, bon travail. Là, je pense plus à Normand Lamour. Merci. Hey, présentez-nous la dernière chanson qu'on va faire jouer. Là. Ouais, Megan, tu veux-tu la présenter? Ouais, c'est la première chanson que j'ai faite avec Frank et Yannick. C'est Fusil Sniper. Et voilà, c'est à 70%. C'est Fusil Sniper. On vous invite à aller cheesecakeninja.com pour écouter des tracks. .com? Oh, oh, oh. Ça se paye seul avec l'argent qu'ils font. À 70%. Tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Papier de toilette, ton papier de toilette, papier de toilette, ton papier de toilette, y'a personne qui ne s'en passe, tout le monde doit se torcher. papier de toilette, au papier de toilette. Le même qui chantait, ça, c'est dans le bon vieux temps qu'on pouvait écrire des tunes sur n'importe quoi, ça. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Du jaune, du vert, ouais, c'est merveilleux. On passe à toi, DJ George. C'est pas toi. Ouais, t'es où, là? Ouais, DJ, moi, j'étais venu juste pour toi, à soir, t'es pas là, je pleure. Il y a eu un imprévu, là. Fallait qu'il aille chercher un vinyle, probablement, à l'autre bout du monde, là, d'urgence. Mais c'est ça quand t'es un sauveur du monde, hein? C'est pas facile, mais on pense à toi, DJ. Ah, mais c'est vrai, il nous avait envoyé une chanson que je vais tout de suite aller chercher. Il voulait qu'on la passe ce soir, c'est un remake de Boule Noire. Black Ball, en fait. C'est ça, Black Ball. Ça a appelé le remake, de la personne. Papier de toilette, au papier de toilette. Papier de toilette, au papier de toilette. Y'a personne qui s'en est pas passé. Tout le monde doit se torcher. C'est vrai, pareil. Ben oui. Si tu te torches pas, mais c'est t'es pas tout, t'es tout crotté. T'as la raie sale. Ça me rappelle le jour où au menu du café de l'usine C, un midi, on avait des bénés sauce rosée. Et une plotée de lentilles à la ratatouille. Des pénis sauce rosée. Des pénés à la sauce rosée, donc des pénis sauce rosée. Une plotée de lentilles à la ratatouille. Il ne manquait que l'aile de raie au beurre d'agrumes. Menu thématique du 14 février prochain au café de l'usine C. On est ouvert tous les midis de 11h30 à 14h30. Tout le monde doit se torcher. Ça fait du bien. Ouais, ça fait plus de bien que pas se torcher après avoir chié. Ouais, ça c'est sûr. Sound effect. Tu sais là. Bruno, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Wesh. Ah, écoute, là, faut partager. C'est l'été, man. Comment, Bruno? C'est l'été. Il faut que de la musique d'été. Écoute. Saturday night, snatch, na-na-na-na-na-na. Tintintin, pretty baby. Bruno! Reste 3 minutes. Okay, alors, une femme de Danvers, Massachusetts, est en croisade contre la ville après avoir reçu une contravention pour avoir stationné son VUS Mercedes dans un espace réservé aux handicapés. Personne à mode de déplacement alternatif. Le ticket s'élevant à $300 US, environ $45 canadiens, est beaucoup trop élevé pour elle. Selon elle, elle affirme qu'elle avait le droit de se stationner là puisqu'il pleuvait et que la contravention était détrempée et illisible. De plus, elle venait d'avoir une opération à l'épaule et son bras lui faisait mal pis tout, fait qu'elle était genre handicapée au moment des événements. Elle affirme tout de même qu'elle ne refera pas cette erreur. Voilà. Son VUS Mercedes. Ouais. Là, ça coûte un petit 100$ de trop. Là. Ouais, exactement. Écoute, c'est une affaire de principe, c'est parce qu'elle a mal à l'épaule. Ben oui, c'est ça. C'est comme ça faisait mal, il mouillait. Il mouillait de la pluie. Il mouillait de la pluie, de la grosse pluie. La pluie, c'est super écologique. C'est super écologique, la pluie, le savais-tu? Ça fait pousser les plantes et tout. Ouais. On a appris ça en fin de semaine. Au festival écolo. C'est super écologique. Ça l'éteint les feux de forêt. C'est bio, tu sais. Pendant le sound check. C'est naturel. Ça existe-tu de la pluie avec du pétrole dedans? Ça doit s'en venir. Travaille là-dessus fort, ouais. J'ai l'impression. On travaille là-dessus à NASA. Hey, les amis de Cheesecake Ninja, on parle de Yannick, on parle de Frank et de Megan. M'a baissé le non, ben quoi que. Je sais pas si vous allez faire votre indicatif, après ça, on va vous remercier. Notre indicatif. Megan, comment c'est ça? Bonjour, je suis Megan. Yannick. Et Francis. On est Cheesecake Ninja et puis on aime bien attacher nos souliers en passant 70%. Excellent! Le meilleur depuis 100 ans! Ah ouais, ça fait longtemps! Tu vois, ça prouve qu'ils sont capables de faire un consensus vite sur le coup, là. Ouais, c'est super beau, en plus. Moi, je l'ai vraiment aimé. Vous voyez pas. Fait que... Vous irez dans la rue. Je l'ai vraiment aimé parce que c'est vrai, tu sais, tout le monde à la maison, des fois, on attache nos souliers, fait qu'on se sentait vraiment touché par... on va tous pouvoir se reconnaître dans ce que vous avez dit. On connaît tous quelqu'un qui vide son fusil aussi. C'est la belle phrase de Steve. Merci beaucoup, Israël Trudel-Denis. Merci, Evelyne, Bruno Corbin. Ah, c'est ça. Brel, Jumelan, Yannick et Frank. Tout le monde est bienvenu. On s'en va. boire de la dernière émission et écouter l'excellent Garder de la plastine. Rock'n'Roll Nightmare. On va vous laisser avec la chanson que DJ George nous a demandé de passer. C'est merci, DJ. C'est pas ce qu'il joue là, là. Ça s'appelle Black Ball, aimé d'amour. Ça a l'air d'être une reprise de Boule Noire. Boule, si tu nous entends depuis ton paradis, on s'excuse. Aïe, à la prochaine. On s'excuse de ne pas avoir été là au lancement de ton dernier album posthume quand t'étais pas encore mort. À 70%! Une chanson d'amour, un truc qui est parfait, un doucement. Oh oui, baby, je sais pas. Aimer l'amour, aimer l'amour, c'est aimer pourquoi je t'aime. Aimer l'amour, aimer l'amour, c'est aimer pourquoi je t'aime. Tu prends tout mon temps, tu es tout ce que j'attends. J'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de t'aimer, de te comprendre et d'être aimé. Je te prends dans mes bras et tu sais bien pourquoi. Oh bah, oh bah, oh bah. Aimer d'amour, aimer d'amour, c'est aimer que moi je t'aime. Aimer d'amour, c'est aimer que moi je t'aime. Il faut bien marcher ensemble pour mieux se comprendre. Et surtout bien oublier ce qui fait du passé. Encore une fois, c'est peut-être la dernière fois. C'est facile pour toi, c'est facile pour moi. Oh oui, parce que quand on est ensemble, c'est peut-être la dernière fois. Oui, aimer d'amour, aimer d'amour, c'est aimer que moi je t'aime. Ça c'est l'amour. Aimer d'amour, aimer d'amour, oui oui, c'est aimer que moi je t'aime. Bam. L'amour ne dépasse tout fin. Il faut frapper au bon moment. Quand tu viens te voir, faut savoir le recevoir. Parce que nous on a une chance depuis qu'on est ensemble. Tu sais tu me recevoir sans demander quoi faire. Il faut laisser le temps faire. Parce que quand on aime l'amour, il est temps de recevoir. Aimer l'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Aimer l'amour, aimer l'amour, aimer l'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Tabarnak, c'est pas de l'amour ça, je sais pas c'est quoi. La gueule. The teeth again, gnawing and imminent. In the last lonely night, oh my, give me the worms again, painted aluminum. Make it white, make it white. No change, no pleasure.